Marshall. John Fitzgerald Kennedy. Martin Luther King. Patrice des noms gravés sur Abraham une pierre Lincoln. Dans le désert Robert d'un cimetière Gerald Kennedy. Ils ont rêvé que la Colombe pouvait s'en ir de l'ombre. Tant d'espoir ne peut mourir. John, c'est comme un chemin tracé Martin. Vers notre avenir. Patrice, laissons rouiller tous les fusils. Robert Fitzgerald Kennedy. Alors enfin viendra sur terre Emiliano de la lumière. Voici le jour, voici l'instant. John de ne Fitzgerald Martin Luther King. De nous donner un bras à la main. Abraham pour faire Lincoln. Ce long chemin. Robert Fitzgerald Kennedy. Federico Garcia Lorca. Kennedy, Luther King, Patrice, Lumumba, Abraham, Lincoln, Robert, Fitzgerald, Kennedy, Federico Garcia, Lorca, Emiliano, Zapata. Gandhi, Daga Marshall, John Fitzgerald, Kennedy, Martin Luther King, Patrice Lumumba, Abraham Lincoln, Robert Fitzgerald Kennedy.